Cartographie des mémoires, Agaris. Tu es bien devant Jourdénia ? Le jour où j'avais annoncé mon départ, Rosalie était devenue toute pâle et était partie se réfugier dans son jardin. Juste avant de sortir, elle avait dit cette phrase « Ça ne peut pas recommencer ». Qu'est-ce qui ne pouvait pas recommencer si je ne savais pas ce qui s'était passé ? Les familles comme les villages sont remplis de légendes. Chaque maison a son histoire et chaque histoire a sa maison. On va continuer à marcher. Et on va remonter la rue tout droit. Etcheverry, Mathieu, Mendibourou, Lafitte, Etchecopar, Amestoy, Castette, Bordenave. Entre 1861 et 1889, ce sont des familles entières qui sont parties de Garis pour l'Amérique, mais aussi des individus isolés. Martin, Adrien, Pierre, Jean, et bien sûr Sauveur, l'ancêtre de la famille. Rosalie s'était demandé ce qui avait poussé Sauveur à partir. Elle avait cherché une réponse dans les registres, mais aucun des papiers qu'avait tenu Rosalie entre les mains ne racontait si Sauveur était parti parce qu'il avait faim, parce qu'il refusait de faire la guerre ou parce qu'il rêvait de terres à conquérir. On va juste vérifier que tu es sur le bon chemin. À ta gauche, normalement, il y a la mairie. Mais nous, on continue tout droit. La frégate de Sauveur, la Leopoldina Rosa, est partie le 31 janvier 1842 du port de Bayonne. Elle a fait naufrage le 9 juin au large du cap Castillo en Uruguay. Sur 303 passagers, dont de nombreux émigrants basques, 231 périrent et 72 furent rescapés. J'imagine Sauveur nager dans la nuit noire. Qu'est-ce qui l'a fait tenir ? La promesse de revoir un jour cette rue, ses champs, celle d'un avenir meilleur ? Plus j'y réfléchis, et moins je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui continuent à lever l'ancre de différents endroits et vers d'autres destinations. Devant vous, il y a une maison en longueur avec une grande cheminée. C'est toujours Enya. C'était notre ancienne boulangerie. Rosalie ne s'était jamais mariée. La société de son époque la rendait perplexe. Comment être sûre de trouver un mari qui accepte mes ambitions ? Pourquoi les femmes devraient-elles abandonner toute ambition personnelle à la naissance d'un enfant ? Elle n'avait jamais trouvé de réponse et avait donc décidé de rester seule. Enfin, seule. Je me rends compte aujourd'hui que la passion n'appartient pas seulement à la jeunesse. Rosalie avait dû en vivre elle aussi. Qu'est-ce qui fait l'attachement à un lieu et à des gens ? Par quel procédé beau et compliqué, l'amour que l'on éprouve pour des gens se confond avec l'amour que l'on éprouve pour des lieux ? De quoi a été fait ce sentiment d'appartenance que Rosalie tenait à tout prix à me transmettre ? La campagne, tu sais, ce n'est pas comme la ville. Ici, tout le monde se connaît. Pour le meilleur et pour le pire. Ces maisons, tu vois, ce ne sont pas seulement des murs. C'est un endroit qui a besoin d'être habité, un endroit qu'on connaît par cœur, où il y a une rangée de manteaux quand on ouvre la porte, ou un petit frère vous appelle du salon. Ces maisons, ce sont aussi des voisins avec lesquels on vit. Ceux-là même qui étaient allés frapper à la porte de Rosalie le jour où elle avait oublié d'ouvrir ses volets. Quelques jours avant l'enterrement, le notaire m'avait remis les clés de la maison. J'avais poussé la petite barrière sans arriver à avancer. Qu'est-ce qui allait encore être là ? Qu'est-ce qu'il n'y aurait plus ? Je ne pouvais pas entrer. Les lieux portent des traces de nous et nous portons des traces des lieux. J'étais allée marcher dans cette rue dont je connaissais pratiquement chaque maison. Je me demandais si derrière ces portes se trouvaient toujours les mêmes habitants. Je voulais savoir qui était resté, qui était parti. Tu vois, quand je marche dans cette rue, la première chose que je remarque, c'est que les maisons sont magnifiques. Certaines ont été repeintes récemment. Mais si tu regardes de plus près, sur les murs de certaines maisons, tu verras des traces noires. Ce sont les vestiges de fumée de pots d'échappement des 300 camions qui passaient chaque jour par Garis quand cette rue était départementale. Les apparences sont trompeuses, non ? La plupart des portes de ces maisons ouvraient sur des commerces. C'était un lieu de vie riche. Ça allait toujours, mais d'une autre manière. Aujourd'hui, chaque devanture de maison cache un jardin cultivé et des gens qui racontent des histoires. Un jour, j'avais demandé à Rosalie « Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Echeberria quand tu es née et que tu as grandi si loin d'ici ?»« Ça veut dire qu'il faut passer du temps au village, qu'il faut parler avec les gens, qu'il faut traîner à l'auberge et poser beaucoup de questions. » Et c'était ce qu'elle avait fait. Moi aussi, j'en avais posé des questions à Rosalie, mais elle refusait de me parler de mes parents. À quoi ça sert de parler du passé ? Ça fait que remuer des mauvais souvenirs et ça empêche de dormir. Ma tante avait le cœur chargé de fantômes et le passé pour elle ressemblait à la vigne qui recouvrait la façade de Martinéa, un chemin tortueux qui la menait tout droit vers l'insomnie. Ah, attends, regarde. On va s'arrêter devant Seabia, la maison des deux têtes, au numéro 603. Tu la vois ? Qui sont-ils à ton avis ? Eh bien, je ne sais pas. Par contre, je peux te dire à quoi ils servaient. Ce sont des corbeaux de cheminée. Pour te dire la vérité, moi, j'ai toujours trouvé qu'ils ressemblaient à des cerfs-livres. On va continuer. Notre prochain arrêt, on le fera au garage qui se trouve un peu plus loin. Tu pourras pas le louper. Rosalie avait décidé d'inscrire le mot fin sur l'année 1972 et le mot début après 1982. Ces deux années seraient comme des corbeaux de cheminée. Elles faisaient brûler et disparaître tout ce qui se trouvait au milieu. L'oubli est nécessaire pour nous protéger de ce qui est douloureux. Pourtant, parfois, on risque de perdre plus qu'on a prévu. Et quand j'en avais eu besoin, elle avait eu du mal à se rappeler de ma mère.